tatami in cordu. Io son d'amour da carezia subrida, io am full hots ni ruaus ni lasin. Io son d'amour da carezia subrida, io am full hots ni ruaus ni lasin. Meu amic neu e din j'ai porté mi in una rosa selvaggia, porta mi giotta mi ti ho perdu. Je dis qu'à Venus qu'on t'a fait les styles, je dis qu'à Venus qu'on t'a perdu. Yeah.